Deuxième partie. Chapitre 1. Le petit cabriolet à carrosserie grise acheva de gravir la route qui menait de Saint-Sauvin-le-Béni à Montparnasse et s'arrêta devant la grille. Un chien aboya. Une porte s'ouvrit à droite, dans les communs, et un homme parut sur le seuil. « Ah, c'est mademoiselle !» dit-il. Il vint à la grille et l'ouvrit. La voiture entra dans la cour. Élisabeth, qui tenait le volant, demanda « Y a-t-il de la place dans le garage, Damien ?»« Toute la place, mademoiselle. Le château est inhabité pour le moment. » Une partie des communs, à gauche, avait été transformée en garage. Quand Adélaïde, assise près d'elle, fut descendue, Élisabeth y installa sa voiture, puis rejoignit la vieille demoiselle et Damien. « Tout va bien ici, Damien. Et Aglaé ?» Elle est descendue au village, mademoiselle. Il fallait faire quelques provisions, puisque mademoiselle avait annoncé son arrivée. Il avait peu vieilli en apparence, ce Damien, qui avait toujours donné à Élisabeth l'impression d'un sarment desséché. Son visage couleur de buis restait impassible comme autrefois, mais quelques surprises paraissaient dans le regard attaché sur Élisabeth, si différente de la petite fille qui était partie 6 ans auparavant de Montparnasse. Cette svelte jeune fille, souple et fine, était vêtue avec une correcte simplicité qui n'excluait pas une note d'élégance. Sous le petit feutre gris, orné d'une plume verte, les belles boucles brunes étaient maintenant disciplinées, encadrant harmonieusement l'ovale étroit du visage, faisant valoir la blancheur mate du teint. « Alors, il n'y a personne au château, Damien ?»« Non, mademoiselle, monsieur et madame ne doivent venir qu'en juillet. » « Le comte Rudengorff est-il en ce moment à Aigueblanche ?» Cette question était faite par Adélaïde. « Je le pense, mademoiselle. Monsieur le comte ne quitte guère la propriété, mais madame la comtesse y est rarement. » Les sourcils d'Élisabeth se haussèrent légèrement en signe de surprise. « Elle ne réside pas habituellement à Aigueblanche ?»« Pas en dehors de quelques semaines d'été, mademoiselle, ou alors ce n'est que pour quelques jours. » Elle habite presque toujours avec sa mère, et le petit monsieur Thierry aussi. Alors, le comte Willibald vit seul ici une partie de l'année, dit Adélaïde. Il le faut bien, puisque madame la comtesse ne peut supporter la campagne. La vieille demoiselle hocha la tête en disant entre ses dents, le contraire m'eût bien étonné. Élisabeth ne fit aucune remarque. Sa bouche avait eu un léger frémissement. Refusant l'aide de Damien, elle prit sa valise et celle d'Adélaïde et s'en alla vers le château, suivie par l'ancienne institutrice. Au passage, elle jeta un coup d'œil sur les tulipes qui fleurissaient autour du bassin rond, en songeant « Je me demande si le vieil Anselme vit toujours ». Les deux femmes gagnèrent la tour par la galerie au buste de marbre. Leur appartement était demeuré tel qu'autrefois. Élisabeth retrouvait ses vieux meubles quelque peu vermoulus, le portrait de sa mère, les sièges aux coussins usés. Accoudée à la fenêtre, elle revit la fraîche vallée, le clocher de Sauvin-le-Béni, les sapinières pressées au flanc des hauteurs dans la fluide lumière du printemps. Son cœur se gonflait d'allégresse, car si heureuse qu'elle eût été en Angleterre, sous certains rapports, elle avait toujours éprouvé la sensation de l'exil et secrètement aspiré à ce jour où elle reverrait Montparnasse. Elle n'y était jamais revenue pendant ces 6 années. À son oncle, qui lui proposait d'y passer une partie des vacances, elle avait répondu « Non, ce serait trop peu et j'aurais encore une trop grande peine à le quitter. » Sa volonté s'était appliquée à écarter, le plus qu'elle pouvait, le souvenir de ces lieux si chers à son cœur pendant le temps où elle devait demeurer dans le pays de sa mère. L'existence à Morton Court avait d'ailleurs été douce pour elle. En sœur Montagu, elle trouvait un parent d'une bonté un peu froide, mais de caractère généreux et sûr. Sa fille Alison, son fils Horace, se montraient accueillants pour la jeune cousine étrangère. Entourée de bienveillance, elle s'était assez vite accoutumée à cette vie nouvelle. Avec Alison, elle suivait les cours du collège de Parlington, ville proche de Morton Court. Elle en avait été une des meilleures élèves, un peu fantaisiste parfois, mais de compréhension vive et d'esprit réfléchi. Un an après son arrivée, il ne restait rien, en apparence, de la fillette un peu sauvage, dédaigneuse des usages et de l'élégance, dont sœur Montagu disait, avec une lueur amusée dans ses graves yeux gris, « C'est une jeune chèvre un peu rétive, cet enfant. » Mais maintenant, toute l'atmosphère d'autrefois la reprenait, l'enveloppait. Elle aspirait longuement cet air natal, pur et vivifiant, froid encore en cette matinée d'avril, car la neige subsistait sur les monts à demi perdus dans la brume lointaine. Elle regardait la vallée, le village, la vieille église sur son assise rocheuse. Dès demain, elle irait voir l'abbé Forgues. Pendant son séjour en Angleterre, elle avait correspondu avec lui et il avait continué de la diriger avec la prudence, le tact qui s'unissait chez lui à la fermeté, à une grande sûreté de doctrine. Mais il lui donnait peu de nouvelles du pays. C'était par son père, à qui elle écrivait pour chaque nouvel an, qu'elle avait appris, 5 ans auparavant, la naissance du petit Thierry, le fils de Willibat et d'Agathe. Une porte fut ouverte derrière elle. La voix d'Adélaïde s'éleva. « Comment, vous avez encore manteau et chapeau, Élisabeth ? J'ai déjà défait ma valise depuis ce temps. » Élisabeth se détourna de la fenêtre. La fraîcheur, la jeune lumière du printemps, semblait se refléter dans ses yeux. Elle dit gaiement « Oh, Adélie, j'oubliais tout dans mon bonheur de revoir le cher paysage. Rien ne presse d'ailleurs, nos bagages n'arriveront que demain. À la réflexion, j'irai cet après-midi voir monsieur le curé, puisque je n'ai rien à faire ici. Pendant ce temps, vous vous reposerez, chère bonne amie. Volontiers, car je suis un peu courbaturée, et l'un de ces jours, il nous faudra faire une visite à Aigueblanche. D'après ce que dit Damien, nous n'y trouverons pas Agathe. Il semblerait donc qu'elle ne s'entend pas avec son mari. Probablement. » La jeune gaieté des yeux mordorés s'évanouissait. Les lèvres si vivantes, d'un rose délicat, eurent un pli d'ironie en ajoutant « Il fallait posséder une certaine dose d'aveuglement pour penser qu'Agathe vivrait toute l'année à Aigueblanche. Les hommes intelligents eux-mêmes peuvent donc avoir aussi peu de discernement que les imbéciles. Quand ils aiment, peut-être. Quand ils aiment !» Une note de dédain passait dans la voix d'Élisabeth. La jeune fille eut un léger mouvement d'épaule en murmurant avec une pensive ironie. « Mais c'est ce que je me demande précisément, comment un homme tel que Willibald a pu aimer une Agathe ?» Ce fut par le petit sentier au flanc du roc qui supportait Montparou qu'Élisabeth s'en alla vers le village au début de l'après-midi. Le soleil un peu voilé de la matinée s'était éclipsé, caché par un écran de nuages prometteur de pluie. La rivière grondait, grossie par la première fonte des neiges. Passé le pont, Élisabeth croisa un paysan. Des femmes lui souhaitèrent joyeusement le bonjour. Elle entra chez Émilie, l'ancienne femme de chambre de sa mère, qu'elle trouva dans son fauteuil où la retenaient des rhumatismes. Ce furent des exclamations, des compliments. « Que mademoiselle a donc embellie ! C'est un plaisir de la regarder !» Puis la bonne Émilie ajouta « J'espère qu'on va vite trouver un bon mari à mademoiselle. » « Quelle idée ! Non, certes, je ne songe pas au mariage, mais uniquement à travailler. » Émilie leva les mains en signe de vive surprise. « Travailler ? Et à quoi donc, chère petite demoiselle ?»« La peinture, les arts décoratifs, mon oncle m'approuve. » Passé l'été, j'irai m'installer à Paris en compagnie d'Adélie. Là, avec quelques recommandations que me donnera sœur Montagu pour ses amis de Paris, j'espère arriver à me faire une situation convenable. » Émilie hocha la tête. « Tout de même, une demoiselle de Ruden. » Élisabeth eut un rire léger. « Nous sommes en un autre temps, ma bonne, et je suis bien loin d'être la seule. » Encore me trouverai-je parmi les privilégiés, puisque ma grand-mère m'a laissé un certain capital dont le revenu aidera cette nouvelle installation. Ah, madame la comtesse, ah ! J'ignorais cela. Oui, elle m'a laissé tout ce que lui permettait la loi. Je l'ai su par mon oncle, qui est mon subrogé tuteur. Mon père ne m'en avait rien dit avant mon départ pour l'Angleterre. » Cela, c'était encore une des sournoises méchancetés de Judith. Le testament de la vieille comtesse avantageant Élisabeth avait dû lui déplaire et elle avait certainement empêché M. de Rudaine d'apprendre à sa fille qu'elle aurait ainsi, à sa majorité, une certaine indépendance pécuniaire. Élisabeth, en montant vers le presbytère, après avoir pris congé d'Émilie, pensait avec reconnaissance à l'aïeule qu'il avait délaissée, presque ignorée de son vivant, mais à qui elle devait le soulagement de pouvoir se suffire à elle-même, tout au moins dans une certaine mesure. Que la vieille dame l'eût fait surtout parraine de Judith, déjà frustrée au sujet des joyaux de l'hindou, c'était probable, mais Élisabeth en bénéficiait. Quant à Calixte de Rudaine, sa mère avait dû juger, avec raison, que ses revenus personnels suffisaient largement à son existence. Quelques instants plus tard, Élisabeth était assise dans le bureau de l'abbé Forgues, en face du prêtre, dont le visage s'était amaigri encore, dont les cheveux avaient blanchi. Elle lui parlait de son existence à Morton Court, de ses projets. Cette dernière année, son oncle l'avait envoyé à Londres pour suivre des cours de peinture et d'art décoratif. Il l'encourageait beaucoup, étant donné ses dispositions, à se diriger dans cette voie. « Très bien, j'aimerais cela pour vous, dit le prêtre, d'autant mieux que vous aurez la protection de Mademoiselle Adélaïde dans cette existence parisienne. » « Oui, chère Adélie, sa présence me sera bien précieuse. D'ailleurs, nous n'aurions pu demeurer l'hiver à Montparou. À son âge, après le confort dont elle a joui à Morton Court, Adélie souffrirait trop de tout ce qui manque dans notre vieille tour. Vous pourriez demander à habiter le château neuf ?» Le regard d'Élisabeth s'assombrit. Le demander à mon père et à ma belle-mère? Non, certes, j'ai pris de bonnes résolutions, monsieur le curé. Je suis décidée à être correcte et conciliante, quels que soient toujours mes sentiments à l'égard de Judith. Mais je tiens à conserver ma pleine indépendance, à ne rien lui devoir, pas même une complaisance. Du reste, de toute façon, je ne pourrais me faire une situation en restant à Montparou. Évidemment, à moins d'être comme Catherine de Groussel, qui, depuis un an, seconde activement son frère dans la propriété. Catherine, elle habite maintenant Aigueblanche? Oui, elle a suivi des cours ménagers, des cours d'horticulture, en Suisse, et elle aime beaucoup les occupations de la campagne. Madame de Groussel, très fatiguée, malade même, lui abandonne peu à peu la direction de la basse-cour, du potager. Avec Willibald, elle a surveillé, l'été dernier, les travaux de la moisson et elle s'initie à l'élevage. C'est une aimable nature, franche et gaie. Elle est d'un grand secours pour son frère aîné. Plus que sa femme ? Une ironie un peu sèche passait dans la voix d'Élisabeth. Le prêtre eut un geste léger de la main. « Oh, elle ! » dit-il seulement. Il garda un instant le silence, l'air pensif, un peu soucieux. Puis il regarda Élisabeth et sourit à demi en disant « Catherine serait une agréable amie pour vous, mon enfant. Elle me plaisait assez autrefois. Mais vous savez que j'ai une nature peu communicative, monsieur le curé. Au collège de Parlington, j'avais de bonnes compagnes, mais de vrais amis, non, pas même ma cousine Alison. » « Toujours un peu secrète, Élisabeth ?»« Toujours, oui. » Le prêtre la considérait pensivement. Dans cette physionomie de jeune fille, il retrouvait le mélange de loyauté, de mystère, de volonté ardente qui, déjà, donnait tant de caractère à celle de l'enfant. Sans doute aussi, pas plus qu'autrefois, cette âme ne se livrerait entièrement, non par manque de droiture, mais peut-être simplement parce qu'une énigme y demeurait, dont elle-même ne connaissait pas encore le mot. Élisabeth se leva pour prendre congé, en disant qu'elle viendrait un des jours suivants avec Adélaïde, dans la petite voiture dont son oncle lui avait fait présent, afin qu'elle pût circuler aux alentours de Montparou. Puis elle alla vers la porte et l'ouvrit, au moment où un homme jeune et mince entrait dans le vestibule. « Willibald, dit-elle à mi-voix. Il se découvrit en s'avançant. Un regard surpris s'attachait à elle. L'abbé, qui avait suivi Élisabeth, dit en souriant « Vous ne la reconnaissez pas, mon cher ami ?»« Serait-ce Élisabeth ?»« Mais oui, c'est moi, Willibald. » Elle souriait aussi en lui tendant la main. Avec la même instantanéité qu'elle était apparue, l'émotion éprouvée à la vue de Willibald venait d'être réprimée. « Oui, je vous reconnais à vos yeux. Nous ignorions que vous fussiez à Montparou. » « Depuis ce matin seulement, monsieur le curé m'a dit que votre mère n'est pas bien portante. »« En effet, elle nous inquiète depuis quelque temps. Il lui faut du repos. » Heureusement, Catherine commence à la suppléer sérieusement. « Et Abel, comment va-t-il ? » ? Toujours dans le même état et très patient, très résigné. « Nous vous verrons bientôt à Aigueblanche, je pense. Ces jours-ci, j'irai avec Adélie. Pensez-vous rester quelque temps à Montparou ? » ? Jusqu'à l'hiver, probablement. Comme je le disais à monsieur le curé, il faut que je me fasse une situation par mon travail. » Ils échangeaient ces propos sur le ton banal de gens du monde, se rencontrant après de longues années. « Où cela ? » ? À Paris. « Vous habiterez chez votre père ? » Chez mon père, certes non. La réplique était jetée avec vivacité. Je suis libre maintenant d'avoir mon chez-moi. Toujours indépendante. Un sourire détendait les lèvres de Willibald. Je vous approuve d'ailleurs. Dans la demeure de Madame Ruden, vous ne trouveriez pas une atmosphère favorable au travail. Le sourire maintenant devenait ironique avec une touche de dédain. L'abbé Forgue demanda « Avez-vous des nouvelles de Thierry ?»« Oui, il va un peu mieux. Demain, je vais le chercher pour l'amener ici, car l'air de Paris est déplorable pour lui. »« Vous partiez, Élisabeth. Si vous rentrez à Montparou, je pourrai vous reconduire en voiture. Je n'ai qu'un mot à dire à monsieur le curé. » Élisabeth remercia en déclarant qu'elle aimait mieux remonter à pied, la marche étant pour elle un plaisir. Elle prit congé du prêtre et de Willibald et, après une station à l'église, rejoignit le sentier de Montparou. Son pas restait ferme et alerte, mais son esprit, maintenant, était distrait et la joie de son retour à Montparou subissait une sorte d'éclipse. Depuis l'instant où elle avait revu les trois visages, aux traits nets et durs, les yeux foncés qui n'avaient plus la froideur dédaigneuse d'autrefois, quelque chose avait reparu en elle qu'elle croyait si bien passée dans le domaine de l'oubli, de l'inexistant. Elle avait pensé plus d'une fois, avec un peu de mépris, que ce Willibald, le mari d'Agathe, lui serait indifférent, et voici qu'elle sentait que, de nouveau, elle pourrait le détester, tout comme la jeune Élisabeth d'autrefois. Le détester ou le plaindre ? Mais souffrait-il ? Était-il capable de souffrir, ce froid Willibald ? De souffrir pour une Agathe ? Élisabeth eut un rire d'ironie en levant les épaules et, presque en courant, elle se mit à gravir le sentier de Montparou.